quand nos âmes volaient, partis au paradis, on peut plus rien y faire, le temps nous a trahis, à nos cœurs souillés, qui se perdent dans la nuit, cherchant comme un repère, au milieu de l'oubli. Ta-da, ta-da. À nos destins brisés qui tombent pour la patrie, une escale pour l'enfer où sont volés meurtris. Ta-da, ta-da.